Chapitre 8e. Le lendemain, de bonne heure, Miss Estcourt, accompagnée de Letty, se rendit à la ferme pour demander à Delvig de lui prêter un journal où elle comptait trouver le modèle d'annonce qu'il lui fallait pour se procurer une dame de compagnie. Car il y avait tout à faire dans la demeure de l'oncle Joachim pour la rendre attrayante. Elle avait autant à cœur de voir arriver sans retard les 12 élus que d'offrir à ces malheureuses dames un logis confortable. Or, il fallait pour cela appeler son aide tout un monde de fournisseurs ou domestiques, et voici que son faible allemand s'écroulait dès qu'elle essayait de donner des ordres. Les deux grosses servantes attachées à la maison ne comprenaient rien à cette langue tirée des manuels d'Ollendorf, et quant à Madame Delvig, qui eût pu l'entendre un peu mieux en raison d'un état de culture plus avancé, sa personne avait subi une éclipse qu'Anna ne pouvait s'expliquer. En vain, elle l'avait fait prier à diverses reprises de venir l'aider de ses lumières. Madame l'intendante demeurait invisible. Elle eût été fort surprise si on l'avait informée qu'alors même, cette épaisse matrone, l'ayant épiée de loin, avait pris la fuite et, franchissant l'escalier comme une flèche en dépit de sa corpulence, s'était solidement barricadée dans sa chambre. La colère et la stupéfaction des Delvig, lorsqu'ils furent assurés que Manske et sa femme étaient conviés à dîner, tandis qu'eux-mêmes demeuraient oubliés, cette fureur ne se peut dire. Jamais ils n'avaient reçu ou appréhendé à Banny pareil. Ils étaient les premiers de leur classe dans la région, toujours invités, servis à table avant les autres, prenant le pas sur le presbytère, au seuil des portes et au coin privilégié du sofa, rites spéciaux qu'il est dangereux de méconnaître et sur lesquels la pauvre Anna marche à pieds joints sans même le soupçonner. Violente et brutale, certes, était l'exaspération du régisseur, mais elle lui laissait encore la faculté de s'entretenir avec la châtelaine, tandis que sa femme se sentait incapable de l'envisager de sang-froid sous le coup de cette cruelle humiliation. Comme elle sortait du cabinet de Delvig avec les journaux qu'elle était venue chercher, Anna vit au bas du perron un cavalier qui venait de mettre pied à terre. Le nouveau venu, en train d'ôter ses gants, observait les actions de son cheval qu'un enfant menait à l'écurie et tournait le dos à la maison. Miss Estcourt fut tout de suite intéressée par ce dos, car il différait essentiellement de tous ceux qu'elle avait pu voir jusqu'à Kleinwalde, étant sans conteste le dos d'un gentleman. « C'est M. Delhomme qui a affaire ici ce matin, » dit le régisseur, et j'expliquai à la gracieuse Miss qu'il est notre Amtsvorsteher. À la voix de Delvig, M. Delhomme se retourne. « Présentez-moi, s'il vous plaît, à ces dames, » dit-il, ôtant son chapeau. C'est un homme de 35 ans, à peu près, grand, mince, pas trace d'embonpoint menaçant, constate Anna, avec autant de surprise que de satisfaction, sans rien de remarquable qu'un air de simple distinction, et vêtu du costume, guêtre, complet de velours, chapeau de feutre mou, qui partout caractérise le gentilhomme campagnard. Ainsi, c'est là mon voisin, pense Anna, tandis qu'ils échangent les banalités du début, comme sa voix est modérée. Après les clameurs de Delvig et l'emphase oratoire du pasteur, la voix de M. Delhomme était certainement reposante. Ainsi, c'est là ma voisine, pense de son côté M. Delhomme. Voilà donc cette nièce dont le vieux Joachim parlait sans cesse. Oncle bien inspiré, il ne pouvait choisir plus charmante héritière. Vous trouverez sans doute notre pays un peu triste avec ses vastes propriétés et ses rares habitants, dit-il en un anglais après un instant de conversation laborieuse. « Au moins en ce qui concerne Miss Estcourt. « Me permettez-vous de parler anglais ?»« De grand cœur, » dit-elle, fort soulagée, et poursuivant son commentaire intérieur, « il ne fait pas de révérence. Il ne m'appelle pas gracieuse Miss, et comme il a l'air propre. » Elle s'apercevait tout à coup d'une chose qui l'avait désobligée sans qu'elle l'eût nettement définie. C'est que Delvig et le brave pasteur lui-même ne donnaient pas à leur personne extérieure tout le soin désirable, que l'eau et le savon jouaient sans doute dans leur journée un rôle purement accidentel. M. Delhomme parlait de l'oncle Joachim, qu'il paraissait avoir connu intimement et beaucoup aimé. Anna descendit les degrés, et ils commencèrent à marcher en causant, suivis de l'œil par Delvig, posté sur le perron, et par Madame Delvig, tapie derrière les rideaux de sa fenêtre. « Je reviens dans un instant, » jeta l'homme par-dessus l'épaule. « Good, » répondit Delvig. Ayant été rejoindre sa femme, tous deux tombèrent d'accord pour trouver que les demoiselles anglaises sont singulièrement libres avec les gentlemen. « Retiens bien mes paroles, » dit le régisseur sentencieux, « avant qu'il soit longtemps, l'homme et Kleinwalde ne feront qu'un. Et nous alors, qu'adviendra-t-il de nous ?» demanda la femme, anxieuse. « Le diable le sait, » fit l'époux avec rage. Et il se mit à jurer épouvantablement contre les vieux fous qui laissent leurs biens à des étrangères. Monsieur Delhomme parlait comme beaucoup d'Allemands un très bon anglais, raide et mesuré, mais sans la moindre incorrection. Ses manières étaient graves, et en le regardant mieux, Anna remarqua sur son visage des traces de fatigue et d'anxiété. Il lui dit que sa mère avait été cousine de la défunte femme de Joachim. « Cela crée entre nous une sorte de parenté lointaine, » ajouta-t-il avec un sérieux sourire. « Si lointaine que c'est à peine si on peut la reconnaître. Votre nièce va-t-elle demeurer avec vous ?» Puis, s'interrompant, « Excusez-moi de savoir que mademoiselle est votre nièce, qu'elle est ici avec son institutrice, que Lady Escort est partie brusquement le jour du Vendredi Saint, etc., etc. Tout ce qui vous concerne est du plus haut intérêt pour vos voisins, et ils ne parlent guère d'autre chose en ce moment. Combien de temps prendront-ils pour s'habituer à moi ? C'est gênant de jouer le rôle de bête curieuse. Non, Letty reviendra en Angleterre sitôt que j'aurai trouvé une dame de compagnie, à moins que nous obtenions un sursis, et c'est même à ce propos que je suis venu demander des journaux à Delvig, dit Anna, désignant ceux qu'elle tenait à la main. Mes connaissances en allemand ne vont pas jusqu'au style propre des annonces, et je me propose de trouver ici un modèle qui puisse me servir, à peu de choses près. En êtes-vous là, vraiment ? Que de difficultés vous devez rencontrer à chaque pas. Me permettriez-vous de vous aider un peu en cette affaire ? Bien volontiers, dit Anna, dont les yeux rayonnèrent de satisfaction à l'idée de pouvoir peut-être ouvrir ses bras un jour plus tôt aux 12 élus. Eh bien, laissez-moi. Laissez un vieil ami de votre oncle le privilège d'écrire et d'envoyer cette annonce, car vous devez être au moins aussi embarrassé pour l'adresser aux journaux que pour la composer. C'est la pure vérité, et j'accepte au nom de mon oncle votre obligeante proposition. Vous me rendrez là un véritable service, car il est très important que je trouve bientôt une personne capable de me seconder, ou, pour mieux dire, de prendre entièrement sur elle la tenue de ma maison. Très important, en effet, appuya l'homme. Le pasteur lui aura-t-il déjà parlé de mes plans ? Pensa Anna. Mais l'homme n'avait pas rencontré Manske. Ce qui lui suggérait cette réflexion, c'était la vue de cette tendre et délicate plante de luxe jetée en terre étrangère et si dénuée de protection et de tutelle. « J'ai une sœur, » commença-t-il méditativement. « Ciel, » pensa la jeune fille, « va-t-il aussi me proposer sa sœur ?»« La comtesse Hasdorff, qui vient parfois me voir avec ses enfants. Elle a aussi connu votre oncle tout enfant et serait heureuse, j'en suis sûr, de s'en rendre utile. » Elle sera surprise d'apprendre que vous avez le courage de vous fixer ici. Le courage ? Mais j'adore Kleinwalde. C'est le lieu le plus beau que j'ai jamais vu, tout simplement. Il l'interrogea d'un regard de doute. Mais il n'y avait pas à s'y méprendre, elle était parfaitement sincère. Ma sœur Trudy refuserait de croire que vous ne parlez pas ironiquement. Elle déteste ce pays et me plaint de tout son cœur d'être obligée d'y demeurer. Moi, je ne vous plains pas du tout, dit Anna en riant. « Je trouve au contraire que c'est un rare privilège de vivre sous ce ciel. Regardez ce bleu. En est-il le monde le plus pur ? Et ses oies ? En avez-vous jamais vu d'aussi blanches ?» Un troupeau d'oies traversait la cour en vociférant, véritable éblouissement de blancheur. Anna leva vers le ciel son frais visage, buvant avec délice l'air embaumé du matin, oublieuse de son voisinage, et bénissant son âme, le créateur de toutes ces choses si bonnes et si belles. Ici Delvig, jugeant qu'il avait assez attendu, se mit en marche vers eux. « Le devoir m'appelle, » dit l'homme, « mais aussitôt que j'aurai réglé cette affaire, je me prévaudrai de votre permission pour envoyer l'annonce. Vous désirez, j'ai à peine besoin de le demander, une personne d'âge mûr et de bonne famille ?»« Pas trop mûr, » dit Anna d'un petit air important. « Il faut qu'elle soit en état de travailler ferme, car elle va avoir beaucoup, beaucoup d'ouvrages. » Monsieur Delhomme s'éloigna, en se demandant quel pourrait bien être tout cet ouvrage. Le soin de veiller à ce que cette aimable personne fût convenablement nourrie, chauffée et choyée, ne lui paraissant pas devoir être une tâche bien difficile, ni bien pesante.